PKFM jusqu'au bout du monde. Nous allons passer à la dernière partie de la dissertation philosophique avec ce que nous allons appeler la conclusion. Comment nous pouvons écrire ou rédiger une bonne conclusion? La réponse avec Dr Christian Yao. Ok, quand le développement est bien fait, inéluctablement ça appelle à une bonne conclusion. Et là-dessus, avant de rappeler les éléments qui composent la conclusion, je voudrais juste revenir sur un fait marquant qui revient, c'est vraiment récurrent chez les élèves. D'accord. Ils ont pour habitude de banaliser, de négliger la conclusion. C'est vrai que dans la nature, il y a des animaux qui n'ont pas de queue, qui peuvent s'équilibrer. Mais dans le cas de la dissertation philosophique, la conclusion est la queue. Et je pense que c'est l'une des parties les plus importantes, puisque tu as fait une analyse, et il faut que dans ta conclusion, tu nous dises ce qu'on retient de ton analyse. Alors, ils attendent souvent à 5 minutes de la fin, et puis, au terme de notre analyse, retenons que la religion est source d'aliénation, mais elle est source de libération, point. Ça, moi, quand je corrigeais encore au lycée, je mets 0 sur 3. Voilà, parce que ça, ce n'est pas une conclusion. Ok. Une conclusion nécessite même beaucoup plus de réflexion même que les autres parties. Parce que c'est là-bas qu'il faut donner les réponses claires. Alors, la conclusion, il faut faire un bilan de l'argumentation. Mais bilan de l'argumentation ne veut pas dire résumé du développement. Alors que généralement, c'est ce qu'on constate. Voilà, c'est ce qu'on constate. On constate. Voilà, retenons d'une part que, et puis bon, voilà, ils ont fini. Non, ce n'est pas bon. Et puis à la suite, il faut que l'élève donne une réponse claire, mais pas dogmatisée. Voilà. Il ne faudrait pas D'accord. que... Je prends par exemple le cas de la religion. Vous avez peut-être un élève pasteur qui veut peut-être dans sa conclusion montrer que la religion est bien, mais il y apporte du dogmatisme. Non, ça on n'accepte pas en philosophie. D'accord. Parce qu'en philosophie, les réponses même n'ont jamais été claires, aussi claires que les questions. Voilà. Donc, il faut une réponse claire de ta position, mais pas de dogmatisme. D'accord. Et puis, un troisième élément qui est facultatif, qui est l'ouverture, c'est-à-dire on ouvre pour déboucher sur d'autres réflexions. Ça, sincèrement, je ne recommande même pas aux élèves parce qu'ils ne savent pas le faire. Voilà. Ils reviennent parfois même sur le sujet analysé. Mais donc il faut laisser. On ne sait jamais, il y a des élèves qui sont très curieux, ils se disent que bien en faisant l'ouverture, ça va me permettre d'avoir un point. Alors, si l'élève veut le faire, dans ce cas, il doit s'atteler. Au cours de l'année scolaire, qu'il s'attente, s'amuse à le faire pour que le professeur puisse corriger et puis puisse améliorer sa pratique. Mais s'il n'a jamais fait, il ne faudrait pas qu'il s'amuse à aller faire ça au bac. Parce que, comme je l'ai dit au bac, on va à la conquête des points. Et un point manqué en philosophie terminale A, c'est beaucoup. Ça fait 5 points. Un point, coefficient 5. Donc, il vaut mieux ne pas le faire quand vous n'êtes pas habitué à le faire. Voilà. Mais si vous êtes habitué à faire, bon, vous pouvez réussir. Dans tous les cas, la conclusion compte pour 3 points. Mais c'est 3 points symboliques, hein. Je peux dire symboliques parce que si la conclusion est très mal faite, ça peut impacter même les autres. Les 17 autres points qui sont distribués en haut. Voilà. Donc, je demande vivement aux élèves de ne pas expédier la conclusion. Sincèrement, 90% des élèves expédient la conclusion. Et ça, ce n'est pas bon. Merci. Permettez-moi de lire rapidement le message de cet élève. Je suis Nelly Farone Conan. Je vous suis depuis Danané et je suis très contente d'être sur Gbeke FM. Ma question est de savoir comment vous avez eu l'idée d'organiser ces cours sur Gbeke FM. Je pense que c'est pour vous apporter juste notre appui pour effectivement réussir au baccalauréat. Comment nous avons eu l'idée? Le directeur général est mieux placé pour répondre à cette question. Merci de nous suivre depuis Danané. Et l'autre question qu'elle pose, monsieur, quand je veux réussir ma dissertation philosophique au baccalauréat, est-ce que j'ai forcément besoin de comprendre français comme les professeurs pour pouvoir réussir? C'est la question que je pose. Et ce souci-là, c'est un souci très sérieux pour moi. Alors, un souci très sérieux. On ne va pas balayer au revers de la main. Pas du tout. Alors, on va répondre à cette question. Pas du tout. Ça ne sera pas balayer au revers de la main. Comprendre français, parler français, c'est la langue maternelle que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Étant en Danané, pour les titiller un peu, on va écrire en Yacouba. Il faut comprendre français. D'accord. C'est la condition sine qua non pour réussir une citation. Ok. Alors, la condition sine qua non pour réussir une dissertation. Il faut comprendre français. Merci donc, Ornelli, de nous écrire depuis Danané. L'autre question. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de vous écouter sur Gbek FM. Je vous suis depuis Yamoussoukro, la capitale politique. Pensez-vous que cette année, le sujet qu'ils vont donner pour le bac va tirer sur la pandémie à coronavirus? Alors, c'est la question. Nous nous posons, je pense, la même question. Mais vous êtes des spécialistes. Quelle réponse pouvez apporter? Oui, bon, je ne voudrais pas vraiment inviter cette jeune dame à la facilité. Je pense que quand un élève s'est bien préparé tout au long de l'année, il est prêt à affronter n'importe quelle question. Mais pour ces gens de pronostics, bon, moi, je ne suis pas un devin. Hein. Je ne peux pas vraiment savoir. Je pense que si elle se prépare bien, peu importe la question qui va se qui lui sera posée, elle trouvera les éléments nécessaires pour répondre. La dernière question ou la préoccupation. Bonjour monsieur Mbrade, nous vous écoutons depuis la zone. Notre question est de savoir, est-ce qu'à la fin de cette émission on pourra avoir un sujet que nous allons essayer de traiter sur la plateforme avec notre professeur qui est sur le plateau et également les invités sur le plateau. Est-ce que l'introduction passe partout est recommandée? Yves depuis Séguéla. Alors d'abord la première question, est-ce qu'on pourra avoir un sujet à la fin de cette séance-là, de ce cours-là, pour bien évidemment pouvoir traiter sur la plateforme? Parce qu'on rappelle que nous avons deux plateformes, une plateforme émission question émission radio et l'autre plateforme qui est simplement émission radio. Est-ce qu'on pourra avoir un sujet où qu'on pourra traiter? Mon exemple à moi, depuis la fermeture des écoles, j'ai créé une plateforme avec mes élèves. Ok. Et on travaille en ligne sur WhatsApp. Ils okay. sont ajoutés, je donne des sujets et ils travaillent dessus. Je corrige au fur et à mesure quand il y a le temps. Ok. Je recommande cette méthode à mes collègues de Poincaré. D'accord. Qui peuvent aussi entretenir les apprenants. D'accord. À ce niveau-là. Alors, nous pensons qu'à la fin, éventuellement, sur la plateforme, on pourra vous donner un sujet que nous allons essayer de traiter sur la plateforme. Nous avons un coup de fil. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il n'aura créé la plateforme pour travailler ici ensemble avec les élèves. D'accord. Alors, nous, en tant qu'organisateurs, nous allons voir certainement les enseignants pour pouvoir nous donner un sujet et puis pouvoir travailler. Nous avons déjà une plateforme, la plateforme WhatsApp. Ah d'accord. C'est... L'autre sujet, est-ce que est-ce que l'introduction passe partout et est recommandée? Yves depuis Séguéla. Ok. J'en ris parce que c'est une preuve de facilité patente, hein, qui ne dit pas son nom. La question aurait pu être intéressante s'il disait comment faire une bonne introduction. Voilà. Il n'existe pas d'introduction passe-partout parce que si vous fabriquez votre introduction sur le sujet autrui et qu'au bac on vous donne en religion, vous allez peut-être plaquer ça, mais vous ferez du coq à l'âne et ça ne marchera pas. D'accord. J'invite les élèves à sortir de cette forme de facilité. Ils ont l'intelligence de fabriquer une introduction. Ils peuvent le faire en toutes circonstances. D'accord. Nous allons prendre ce coup de fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. À qui ai-je l'honneur? C'est mademoiselle Gina Fatima Rebecca. Gina Fatima. Rebecca. Rebecca. Vous êtes élève, étudiante? Je suis étudiante. D'accord. Alors, quelle est votre question? Moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt une proposition. D'accord. J'exhorte les élèves en classe de terminale okay. d'utiliser l'œuvre de M. Christian Yao, méthode et consigne. Parce que pour moi, c'est en terminale, c'est l'œuvre que j'ai étudiée. J'ai pris ça comme une sorte de brésière. Et dans l'œuvre, il y a les différents courants philosophiques qui sont expliqués. Les citations aussi sont expliquées pour permettre à l'élève de comprendre mieux la citation et de savoir où l'insérer et à quel moment l'insérer. Il y a évidemment aussi des sujets qui sont traités et des sujets aussi qui sont donnés qui aident. Je me rappelle que mon sujet du baccalauréat a été tiré, un sujet très très semblable mais avec une reformulation à l'appui, qui était tiré de l'œuvre de Christian Yao. Je salue également Christian Yao au passage et je lui dis merci. Je lui dis merci parce que grâce à lui, j'ai pu avoir une très bonne note en philosophie. Merci Fatima, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bakley. Merci, merci de nous suivre et nous pensons que votre contribution peut effectivement encourager les élèves à suivre cette émission. Merci. Merci et bonne journée. Merci Fatim, le mérite vous revient. Merci monsieur. Merci à Christian Yao, docteur Christian Yao. Donc félicitations, vous avez permis à une citoyenne de pouvoir avoir le bac avec une bonne note en philosophie. À plusieurs d'ailleurs, il fait toujours. Plusieurs. L'autre question, je crois que nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Une autre question. Bonjour monsieur, moi c'est Kofi Nda, Kounan Gildas, Terminal. J'aimerais savoir les trois arguments de chaque axe. C'est obligé de donner citation. Bien, c'est comme ça qu'il a posé sa question. Mais moi je peux reformuler. Lorsque vous avez des arguments, est-ce que c'est obligé de donner des citations pour appuyer? C'est obligé question. De donner des références, d'accord. Des illustrations. Okay. Cela peut être des citations, des doctrines expliquées, okay. La position d'un auteur expliquée ou des exemples historiques. Ok. Voilà. D'accord. Merci donc de nous suivre sur Gbeke FM. On revient rapidement sur la conclusion. Docteur Christian Yao disait qu'il faut un bilan de l'argumentation. Le bilan, ce n'est pas le résumé du développement. Il faut une réponse claire aux problèmes posés sans dogmatisme. Pas parce que je suis pasteur, comme il a dit, je suis pasteur. Donc, dans ce que je vais donner comme réponse claire aux problèmes, je vais donner mon avis sur ce point pour montrer effectivement que je crois en Dieu ou ceci, cela. Alors, il faut être très clair sur cette question. Il faut éventuellement une ouverture qu'il ne conseille d'ailleurs pas. Il a ajouté que si vous voulez utiliser ces systèmes, je dirais, d'ouverture, il faut s'appliquer dès la rentrée scolaire. Votre enseignant va vous aider au fur et à mesure pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Messieurs, nous avons été très heureux en votre compagnie. Avant de finir cette émission, je voudrais m'adresser à Dr. Christian Yao pour votre mot de fin, les conseils que vous pouvez donner pour que, éventuellement, ce cours que vous venez de nous donner, ces échanges, puissent permettre à nos élèves d'atteindre leur objectif. Bien évidemment, l'objectif, c'est le baccalauréat. Le bac, oui, c'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter, l'obtention du bac, malgré cette crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet, qu'ils, déjà, en tant qu'élèves, observent les mesures barrières édictées par le gouvernement, ils le savent tous, et ensuite qu'ils restent régulièrement en contact avec leur cahier. Ils ont aussi nos contacts, ils peuvent nous appeler, on va leur donner certaines explications parce que quand on n'apprend pas, on désapprend. Voilà, il faut qu'ils retiennent cela. Merci docteur, monsieur Irié. Oui, je recommande aux élèves pour réussir le bac en philosophie de rester constamment en contact avec leurs documents. D'accord. Les cours, les cahiers, les documents annales. Malgré la crise sanitaire aujourd'hui, il faut toujours continuer à apprendre, à instruire et à éduquer. Okay. C'est en cela que je remercie et je félicite l'initiative de la radio Gbeke. Je continue toujours à laisser une trace d'instruction et d'éducation sur l'âme de nos apprenants. Merci beaucoup à vous. Merci à nos invités sur le plateau, Dr. Christian Yao. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, département de philosophie. Il est également écrivain, il est donc l'auteur de l'œuvre Philosophie, méthode et consigne, Christian Yao, guide de réflexion. C'est ici que prend fin cette session, je dirais, de formation. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Gbeke FM et nous vous donnons rendez-vous le 7 avril 2020 avec M. Godo Simplice pour parler de toujours de cours en ligne, Monsieur Kamena Sati, on parlera de français et de mathématiques à ces séances. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gbeke FM.